Chapitre 4e. Il arriva devant le chariot des McCain une petite heure après avoir débuté sa tournée. Ce chariot était le dernier. Le petit Mike, assis, hébété et en pleurs sur le siège du conducteur, le regarda arriver. « Eh bien, mon garçon, fit Stewart, cesse de pleurer. Cesse de pleurer, ainsi, ils sont partis. Tu n'as plus aucune peur à avoir. Dis-moi plutôt où sont tes parents. » Le gamin ne répondit pas, se contentant de le regarder et de pleurer. Stewart haussa les épaules et fit le tour du chariot. Là, il s'arrêta net. Les parents du petit Mike étaient tous deux à terre et aucun doute n'était permis. Ils avaient pris une balle chacun et étaient morts l'un près de l'autre. Stewart soupira et réfléchit quelques minutes, puis se retourna vers l'avant du chariot. Il prit délicatement l'enfant dans ses bras et le transporta près du feu. Il s'y assit avec lui, séchant ses pleurs, et lui parla doucement. « Dis-moi, petit, tu as encore de la famille? Une tante, un oncle, une grand-maman? « Non, monsieur, je veux mon papa et ma maman. « Allons, Mike, tu dois être courageux. Tu es un grand garçon. Ils ne reviendront plus jamais. Le Seigneur les a rappelés à lui. Tu n'as vraiment pas d'autre famille, mon petit? Non, monsieur, répondit le gamin en reniflant. Stewart continua sa réflexion tout en berçant l'enfant tendrement contre lui. Tu veux rester avec nous, Mike? Finit-il par lui demander. Avec qui? Eh bien, disons, avec moi, peut-être. Pourquoi avec vous? Si tu n'as plus de famille, il faut que quelqu'un veille sur toi, si tu es d'accord. Le bambin acquiesça. Je vais m'installer en Arizona, reprit Stewart. Je crois que tes parents voulaient aussi y aller. Alors disons que, comme je suis seul moi aussi, on se tiendra compagnie. Qu'en penses-tu, petit? Je veux bien. Vous êtes sûr que papa et maman ne reviendront pas? Oui, j'en suis certain, hélas. Je veillerai sur toi désormais. Et si tu es triste ou as un problème, c'est à moi qu'il faudra en parler, d'accord? Oui, monsieur. C'est bien. À présent, va dans mon chariot là-bas. Je vais chercher tes affaires. Ensuite, nous mangerons et tu te coucheras. Nous aurons tout le temps pour discuter et faire connaissance. Tu veux bien? Oui, monsieur. Le lendemain matin, de très bonne heure, toutes les familles se réunirent autour d'une tombe qu'avaient creusée quelques hommes durant la nuit. Ils se recueillirent et mirent quelques fleurs des champs sur le monticule. Un dénommé Stevie avait construit une petite croix en bois et ajouté le nom des McCain dessus. Ils plantèrent la croix près du monticule, firent une prière et tous reprirent le chemin de leur chariot. Stewart, avant de donner le signal du départ, entreprit d'aller voir les Emerson. Il enleva son chapeau, salua et demanda gauchement en se dandinant d'un pied sur l'autre. Bien le bonjour, madame et monsieur Emerson. Je me demandais, enfin c'est surtout à vous que je m'adresse, madame. Ce n'est pas que je ne veux pas vous parler, monsieur. Enfin, il me semble que ce sujet est plutôt fait pour une dame. Il ne savait visiblement pas comment commencer. Alors Maureen prit la parole. Allons, monsieur Stewart, pas de cérémonie entre nous. Dites-moi ce que vous voulez savoir en toute simplicité. Très bien. Alors voilà, je vais adopter Mike. Mais je n'ai pas eu d'enfant, et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Il y a une chance que le petit veuille bien rester avec moi, mais pour tout le reste, je ne sais vraiment pas comment faire. Je ne veux pas non plus que quelqu'un l'assume. Je suis prêt à en prendre l'entière responsabilité. Je veux juste quelques conseils. Maureen eut les larmes aux yeux, et vit Patrick se retourner et essuyer furtivement son visage. Monsieur Stewart, ce que vous faites là vous honore, et je serai très fier de vous aider. Mais vous savez, un enfant, comme n'importe quel être humain, a seulement besoin d'attention et d'amour, et je crois qu'après ce que vous avez fait, vous en avez à revendre. C'est cela l'essentiel. Le reste viendra tout naturellement, croyez-moi. Les prochains jours, évitez de le laisser seul. Montrez-lui que vous vous sentez bien avec lui, et tout ira bien. Aussi simple que ça, hein? Demanda Stewart dubitatif. Aussi simple que ça, affirma Maureen. Merci, je vais suivre vos conseils. Pourtant, si cela n'allait pas comme vous le dites, je serai là, monsieur Stewart, toujours prête à vous aider, n'en doutez pas, et surtout n'hésitez pas. Grand merci, madame Emerson. Au fait, vos jumeaux ont pris l'habitude du roulement et du bruit. Ils dorment mieux à présent, non? Ah, vous n'êtes pas le seul à vous en être aperçu, savez-vous. Je crois que nous avons bien fait de réintégrer le cercle des chariots. C'était plus prudent. C'est bien vrai. Je vous remercie encore pour vos conseils. Quant à vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Je vais retrouver mon garçon. Le pauvre petit ne méritait pas cela, hélas. L'homme s'en retourna vers son chariot, se rongeant un ongle tout en récapitulant la conversation survenue quelques instants plus tôt avec Maureen. Le gamin était assis sur sa paillasse, prostré. Stewart sentit une grande tendresse monter en lui. Lui, l'homme rude, qui, orphelin à 8 ans, avait dû se battre pour rester en vie, avait appris à se débrouiller grâce à un très vieux trappeur qu'il avait pris sous son aile, plus pour lui servir d'esclave que par amour. Mais grâce à lui, il savait chasser, se nourrir et s'abriter. La suite, il l'avait apprise tout seul et bien des fois à ses dépens. Non, il ne voulait pas que ce petit enfant innocent, dans lequel il se reconnaissait parfois, finisse comme lui. Il laissa entrer en lui tout l'amour qu'il n'avait jamais cru devoir donner un jour. Mike, l'appela-t-il doucement, viens là, enfant. Il l'attira contre lui, le serra tendrement dans ses bras. Lentement, il commença à le bercer et à lui raconter sa vie. Le jeune garçon hoqueta encore, puis progressivement commença à écouter l'homme. Il s'aperçut que cet homme grand et fort, que tout le monde craignait et respectait, y compris ses parents, pouvait être aussi comme un père, tendre et aimant. Il vit aussi, au fil du récit de Stewart, qu'une larme avait glissé sur sa main. Le jeune garçon se promit d'être fort et d'aider autant qu'il le pourrait cet homme qui désormais lui ferait office de père. Mike, nous sommes en trobe, n'est-ce pas, mon garçon? Oui, monsieur. Alors il faut me promettre de ne parler de ça à personne. Tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui devra rester un secret entre nous, d'accord, petit? Oui, monsieur. Mon papa, il ne parlait pas beaucoup. Mais lorsque j'avais fait une bêtise, il me grondait un peu, et il me disait que si je ne recommençais pas, cela resterait un secret. Il ne le dirait pas à maman. C'est pareil, monsieur. Oui, c'est à peu près ça, tu as bien compris. Mais il se fait tard. La route va être longue et le convoi doit repartir. Tu veux rester avec moi devant sur mon cheval? Oh oui, monsieur, je peux. Bien sûr, puisque je te le propose. Mais il ne faut jamais faire quelque chose sans m'en parler avant, d'accord? Le gamin acquiesça, tellement heureux qu'il aurait accepté tout ce que lui aurait demandé Stewart. Allez, c'est parti, fit Stewart en prenant l'enfant sur ses épaules. Le petit reprit. Dites, monsieur. Oui, dis-moi. Je pourrais vous appeler oncle Stewart? L'homme ressentit tant d'amour envers le gamin à ce moment-là qu'il se retint de l'embrasser et répondit simplement. Tu pourras même m'appeler oncle Garrett si tu le veux. Qu'en penses-tu? D'accord, oncle Garrett. Bon, il est temps d'y aller, fiston. Que diraient tous les autres si je traînais ainsi, comme ça, tout le temps? Je devrais sûrement les rembourser. L'enfant poussa un gloussement et s'empressa d'obéir. Brave petit gosse, songea Stewart. La décision qu'il avait prise, presque sur un coup de tête, s'avérait, après réflexion, être la meilleure de toute sa vie. Jamais il ne la regretterait.